Hola, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un frère con la Société des Ambianceurs. Soy Petit Bizet. Estoy muy feliz de darte la bienvenida. Well, música, por favor. Johnny, happy birthday, bro. I'm late, but happy birthday. José Jiménez López. Sí. Alex. Bienvenidos para todos. Bienvenido, Orlando, saludos, sí, señor. Ah, Toto Diallo la Chartier. Musique africaine libre originale, société des ambianceurs, petit bizet. Hola Luis. Thank you very much. Mami nanga shaki gombeo. Swali swali j'ai pas compris. C'est l'inanga shaki gombeo. A special shout out to Johnny. Happy birthday, bro. Pour avoir des nouvelles combéo. J'ai même téléphoné chez ta cousine. Pour avoir des nouvelles combéo. Moi aussi je pense à toi. Félicite-moi, oh, si tu es vraiment nommé.

ye moto ape mangambo soso akobima mino mokolo mwasi akobanda ndenge mobali abandaka Musique à moi, c'est celle que je jouais dans Toi la Croix. Merci à toi. Latina, bienvenidos. en arrière, descendez, Koyoka mo motema pasipe na konga mopana futaka ilama na sombela yo na tikeli yo souvenir ya bolingo moi ezali na lavage na kotindela yo na bato mario na lembi yo kende na yo na baye yo Mario Mario Les morts ne sont pas morts. La belle va passer en mon thème. longola liputa o mama oko osi papa malili na nzoto keka nina molema o na weyo bongo lange buje o sherie espri lange shonje o sona la mulwe kitoko na mwe ya nzoto esili yo kanga ima wae napomi posa la meso nipo na yo sherie Tia mawa pina po miso bae Natangi pitoli ya boli mongo sherie Kisho kangi monte mao mama oko Kisho longo la liputa o mama oko Osi papa malili na mtoto o Deka nina mole mao na weyo o Bongo nange buche o sherie ke Thank you very much. para Barranquilla. Olivier de Côte. Toujours kaka mabe, moyen ni qui m'a mon arabe 4x4 Y'a qu'à nos salis à papa Kouroto vraiment Nogo le ganze la nini Suzuki di Lobana non Ah Toto maya biso planète mon Suzuki moye Pour la terre Toko sanga li gonsa ya moye Ya solo La terre elle est qui bolo pie Colombie et quartier latin. Pas de faux bois. Sylvia des Ouvrais. U.S. C'est les moines. Tila. Bola. Stop Cartagène.

Bakule na Kinshasa, mona Brazza, kosalanga pasi mama kanda basulinga na chekubeo ayo likambo ezali kosalanga pasi mama likambo ezali kosalanga pasi mama kanda basulinga na chekubeo papa osaleli nga likambo yango ya sokwe kala nzoto ekomi koninga ejala mwana ayo likambo ezali kosalanga pasi mama likambo ezali kosalanga pasi mama banda basweli ngai na tiekubeo Ana yo te, ana yo te, ana yo te, ana yo te. Benji Kofi Benny Benji à la Mélan Osba Batista et des Valènes à la Mélan Wabé Daouda Pado à la Mélan Sibodi Jesse Bébé Manga à la Mélan Yeti Jebi Chalamwana à la Mélan Bido Marte Bella Moubaliakati Ela é mulher, mas não é mole, mas não é mole, mas não é mole, Pepo variété omoni pasi mingi oya yena kosalisa yo yo motema yo pema baso yaka yaka tobongisa libala oyo ekosuka pe boye te omoni pasi mingi oya yena kosalisa yo. Gracias por seguirme. Estad atentos en la página Música Afro Caribe Original. Petit bisé para la Société des Ambianceurs. Hasta luego.